Ce qu'on appelle du larcène. C'est rien, mon amour. Je dis rien. C'est pas moi qui trafique quelqu'un. Bon. Ouais. Donc l'idée, c'était... Ce qui m'énervait... C'était cette phrase. Ce fut le lancement de l'idée de forum, enrichi et précisé au Comité National d'Octobre 95. Inséparable de l'analyse de notre activité, avec notamment l'engagement à mieux mettre en cause ce qui subsiste des pratiques liées à la conception ancienne du party guide. Et voilà. Et qu'est-ce que tu disais, Vladimir? Est-ce que je disais quoi? Qu'est-ce que tu disais, Vladimir? J'avais une conception léniniste de ce qu'était le party guide, parce que je pensais qu'il fallait... Que parti dise et guide les masses. Il y avait effectivement des intellectuels dans ce tel métier, nous, bas peuple, plongé dans l'idéologie, incapable de sortir le vrai du fond. Non, surtout, en fait, l'idée que j'avais, enfin, la dernière idée qui était exprimée, c'était avec ces trois petits cercles, avec l'idée d'un côté il y a les militants, de l'autre il y a les intellectuels, au milieu là il y a le parti. Il fait la synthèse. Et il fait la synthèse, en fait en quelque sorte, et il nous sert de guide. Et alors je disais, donc mais ces gens sont élus, et tu me disais, oui mais maintenant on peut te dire comment ils sont élus. Ouais, cette idée c'est que du parti en fait, allez, je dirais qu'elle est très conventionnelle, parce que c'est précisément... comme ça qu'on a pensé le parti jusqu'à maintenant et qu'on le pense en tout comme ça, et ce qu'on appelle l'intellectuel collectif. C'est quoi ça? Ah, c'est ce que tu viens d'expliquer. Le parti, c'est la synthèse, sauf que le parti et les intellectuels sont pas isolés. Il n'y a pas une sphère d'intellectuels, puis une sphère de parti, une sphère des militants, mais qu'au fond, les trois fonctions sont bien là quand même. En gros, comment ça se passe? Comment on pensait l'intellectuel collectif? Les militants donnaient la matière à penser au parti. Par toute la hiérarchie pyramidale, ça remontait. Là, ceux qui avaient le savoir analysaient, en déduisaient des mots d'ordre et tout redescendait vers le bas. Et les militants, appliquaient. Oui. Sauf que dans la conception que j'en ai, les militants ne sont pas là pour fournir la matière, mais ils sont là aussi pour réfléchir à leur propre situation comme le feraient des intellectuels. Mais maintenant, pris dans le temps, surtout pris dans le manque de temps, penser comme ça, penser sa situation, qu'il fallait un intellectuel collectif, parce que finalement, il n'y avait pas de sauveur suprême, il n'y avait pas de penseur suprême non plus. Ah oui. Donc, seule l'analyse de la situation ne pouvait procéder et être produite que par un intellectuel collectif, où chacun était mis à contribution. Tu comprends? Mais où il fallait bien tout de même qu'à un moment, comme c'était quand même le parti et pas un club de discussion, il faut bien que celui-ci se formalise dans une ligne politique. Et après, avec la discipline, que chaque militant applique la ligne politique qu'avait fixée cet intellectuel collectif qu'est le parti au travers de ses instances dirigeantes. Comité national, bureau politique, exceptionnellement le congrès. Le problème, c'est que très rapidement, voire jamais, la fonction intellectuelle collective a été squattée. C'est une toute petite élite dirigeante s'est appropriée la fonction à elle seule d'être un intellectuel collectif. Ouais, mais ça c'est normal. Si effectivement il y a une telle structure pyramidale où à un moment la formation ne remonte pas, quoi. Ou alors elle est arrêtée à un certain niveau parce que jugée gênante pour X ou Y raison. Oui, t'as pas tort. Alors que. On peut penser comme ça, et puis de toute manière, quand même, elle remonterait parce qu'elle aurait réussi à passer ces différentes barrières. De toute manière, à un moment, la politique du parti se décide pas démocratiquement, et à un moment, les instances dirigeantes sont prises dans des relations de pouvoir, ou croient avoir une certaine maîtrise des relations de pouvoir, qui leur commande de prendre des décisions, qui de toute manière échappent quant à leur raison à la masse des militants. C'est-à-dire qu'il y a une opposition, mais là on retrouve l'opposition classique entre les masses, entre les militants et ceux qui savent. Forcément, parce que ça rentre dans des stratégies de pouvoir qui ne sont pas avouables, des transactions éventuellement avec les socialistes, avec le gouvernement, ceci en échange de cela, et autres. On ne fait pas tomber le gouvernement, mais ceci, et puis tout ça, on ne peut pas le dire, et puis tout ça échappe totalement à... Mais pourquoi on ne peut pas le dire? Ça peut être une histoire, ça peut être une histoire de pouvoir, de désistement électoral, de désistement ou de vote en faveur lors d'une commission qui va donner un certain pouvoir, un certain poids. On brade de tel, on peut très bien négocier telle absence de critique ou de censure pour faire avancer tel amendement au Parlement. Donc, en fait, ce modèle, il n'a jamais fonctionné. Et alors, tu me dis, effectivement, ils sont élus. Ben, l'idée aussi de laquelle je partais était que quand on écoute U, finalement, à s'exprimer à la télévision, moi, je n'ai pas l'impression qu'il parlait au nom du parti, mais qui parlait en son nom propre. Et finalement, l'idée était de savoir où était la responsabilité du parti, quoi. Et que moi, j'avais envie encore, quand j'entendais j'avais envie d'entendre l'idée du parti, la conception du parti, et pas... parce qu'individuellement, ils pensent sur telle ou telle question. Bien que ça ne me gêne pas, qu'il dépasse la conception du parti par sa propre conception, moi, ça m'était bien. Bah, s'il est élu. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il est élu comment? Et la difficulté, elle est double. C'est-à-dire que de toute manière, dans l'ancien fonctionnement, où soi-disant le secrétaire parlait au nom du parti, il parlait effectivement au nom du parti, c'est-à-dire qu'il répétait, et toute la direction répétait plus ou moins, ce qui avait été décidé en congrès. Sauf que ce qui avait été décidé en congrès, de toute manière, le mode de fonctionnement du congrès, à aucun moment, c'était l'expression réelle de ce qui se disait au parti. C'est déjà ce que la direction, elle, avait planifié. Donc finalement, sous les apparences de respecter ce qu'avait dit le parti et de parler au nom du parti, de toute manière, la direction ne faisait jamais parler qu'en son nom propre. Sauf qu'elle a réussi le tour de passe-passe de faire dire au Congrès ce qu'elle voulait que le Congrès dise. Donc c'était impeccable. Mais l'inconvénient, je dirais, était que de toute manière, ça donnait une impression de langue de bois épouvantable. Forcément, puisqu'on se contentait de répéter des phrases toutes faites, etc. Bon, alors il parlait au nom du parti, mais il parle au nom du parti, mais en fait il parle parallèlement au nom du parti, puisque le parti n'avait pas décidé réellement de ce qu'il se dirait, de ce qu'il décidait au Congrès. Maintenant, et finalement, Robert Hue ne parle plus au nom du parti. Toi aussi, tu as l'impression qu'il parle plus au nom du parti? Ah non, il dit je, il parle, il y a un changement de style, il parle plus au nom du parti. Et je dirais qu'on est dans le travers inverse, c'est-à-dire qu'on ne sait plus maintenant. Dans la mesure où finalement il y a eu une mutation, une sorte de mutation qui est en train de s'opérer, et qu'on ne veut pas qu'il y ait une réelle volonté de la direction de rompre avec l'ancien fonctionnement du parti, justement, donc c'est le secrétaire qui parle soi-disant au nom du parti, mais qui ne parle jamais qu'en son nom propre, mais sous couvert de parler au nom du parti. Finalement, apparaît au grand jour que le secrétaire ne parle qu'en son nom propre. Mais comme on n'a pas encore mis en place la parole du parti, ce qu'il faut vraiment, c'est mettre en place la parole du parti. Justement, et dans ces cas-là, peut-être que le secrétaire pourrait de nouveau parler au nom du parti tout en ayant un langage plus fluide et qu'il soit effectivement pas forcément à exprimer mot pour mot ce qui a été dit au Congrès. Et pour l'instant, dans la mesure où, dans la mutation qu'il amorce, il rompt un peu cette prétention à parler au nom du parti, il ne parle plus qu'en lui-même, ce qui ne change rien, qu'en son nom propre, ce qui ne change rien, mais il a cette impression effectivement qu'il ne parle plus qu'en son nom propre. Ouais, mais le problème c'est qu'avant il parlait au nom de la direction du parti. Mmh. Enfin, c'est ça. Ouais. Dire. Alors que maintenant on ne lui demande pas de parler au nom de la direction du parti, mais de parler au nom du parti. Du parti avec sa base, avec les idées des gens dans les cellules, avec le langage, le langage de la base. Avec le langage, pas le langage de la base, avec les idées là, encore, de tous les communistes. Il faut encore les élaborer. Quoi, les idées? Il faut les élaborer, les idées, il faut encore les recueillir. Même s'il ne faut pas les élaborer, oui, il faut les élaborer en sens où il faut leur donner une forme, les regrouper, les synthétiser. Le problème, c'est que le travail, il a pas vraiment été fait lors des derniers congrès. Ça sera peut-être le premier congrès où on va vraiment s'intéresser à ce qui se dit dans les cellules. Parce que, comme je t'expliquais dernièrement, jusqu'à ce nouveau congrès, la discussion était toujours faite autour d'un texte qui était pondu par une commission spéciale qui était chargée de la rédaction du rapport, du projet de résolution et du projet de programme. Mais si tu compares bien à chaque fois le projet de résolution et la résolution adoptée, le projet de programme et le programme adopté, les différences sont minimes, sont extrêmement minimes. Donc, quand tu penses qu'entre les deux, il y a eu toute la préparation du congrès, la discussion dans les cellules et le congrès lui-même, tu te dis que finalement on aurait peut-être pu faire des économies, quoi. Adopter directement le projet de résolution, l'adopter directement comme résolution, le projet de programme comme programme, et puis ça allait bien. Donc ce qui veut dire que le travail des cellules n'a pas été pris en compte, le travail des militants n'a pas été pris en compte en tant que réflexion, justement. Alors les élections, tu peux le savoir maintenant, quand même, dire, tu peux le savoir parce que c'est marqué dans les statuts. C'est marqué dans les statuts et tout est clair dans les statuts. Donc ça se passe comment ? On a un mode d'élection très particulier au parti. Qui est qu'on élit des camarades au poste de responsabilité sur la base d'une liste. Mais la grande particularité, c'est que les candidats qui sont sur cette liste ne peuvent jamais être sur cette liste par leur simple désir. Il ne suffit pas de se déclarer candidat pour être sur la liste des candidats. On pourrait dire, ok, je me déclare de candidat, et donc je me soumets, je propose ma candidature, après on vote, et puis on recueille des voix, je ne recueille pas des voix. Ouais. Bon. Au parti, c'est jamais comme ça que ça se passe. Formellement, tout membre du parti, qui remplit certaines conditions pour certaines fonctions, notamment de durée d'appartenance au parti, pour certains, je crois que c'est, pour certains trucs c'est 3 ans minimum, etc., peut être candidat à tous les postes. Même si tu veux, au bout de 3 ans, tu peux être candidat au secrétariat national. Le problème, c'est qu'il y a des commissions électorales qui sont en place au moment des congrès, Et parmi toutes ces candidatures, ils font un choix. C'est eux qui décident de ceux qui vont être sur la liste. Attends, qui eux? Bah, la commission. La commission électorale. Mais alors, est-ce qu'elle tire sa légitimité de quelque part, cette commission? Elle tire sa légitimité des anciennes élections du congrès précédent, parce que généralement, ce sont c'est le congrès, parce que tu connais la hiérarchie du parti, mm-hmm. les cellules, les sections, les fédérations et le parti. Et à chaque fois, les commissions de l'échelon sont issues de... Du parti, oui. Hein? Mm-hmm. Oui. Ce qu'on appelle la commission des candidatures est issue du corps. Attends, il faut expliquer tout le fonctionnement du congrès. C'est-à-dire qu'en fait, au moment du congrès, les structures ordinaires du parti n'existent plus. Et on va voir, on n'a plus de cellules, mais on a une conférence de cellules. Il n'y a plus de section, il y a une conférence de section. Enfin, il y a une... C'est-à-dire qu'il y a une assemblée de sections, voilà. Je ne me rappelle plus des termes exacts. Mais c'est-à-dire qui incarne la souveraineté, la légitimité à son échelon. Mm-hmm. Bon, mais généralement, comment ça se passe? Normalement, dans les cellules, enfin, il y a le comité de section qui prépare le congrès. Dans les cellules, je vais prendre petit à petit pour deux échelons, après c'est toujours pareil. Dans les cellules, donc il y a l'assemblée de la cellule, mm-hmm. qui se réunit et qui élit son bureau. Donc c'est là où on élit le secrétaire, le trésorier, le CDH, éventuellement quelqu'un qui est chargé de la propagande. C'est le bureau de la cellule, qui pendant toute la durée, normalement, jusqu'au prochain congrès ou jusqu'à la prochaine assemblée de la cellule qui changera son bureau, ils vont incarner en quelque sorte l'exécutif de la cellule. La cellule, à ce moment-là, c'est délégué à l'assemblée de la section. Toutes les cellules vont envoyer leurs délégués qui vont constituer en quelque sorte l'assemblée souveraine au niveau de la section, de laquelle sera tiré le futur comité de section de direction. Enfin, le futur comité de section. Mais de cette section sont issus la section désigne des camarades qui ont constitué la commission de candidature. Donc la commission de candidature est toujours issue de la section qui a été élue au congrès précédent. Et c'est eux qui vont déterminer la liste des candidats qui va lire la liste des candidats pour le futur comité de section. C'est-à-dire qu'il va soumettre à l'assemblée de section la liste des candidats pour les futurs membres de la section. C'est-à-dire que c'est toujours la direction sortante qui établit la liste des membres proposés pour constituer la future, au même niveau. Mais aussi les délégués qui vont aller à l'Assemblée fédérale, etc. Donc, en fait, le problème, c'est que les élections sont toujours un peu biaisées, puisqu'au fond, il y a une sorte plutôt de cooptation. Les candidatures sont désignées. Les candidatures sont toujours désignées ou proposées par ceux qui avaient été élus au dernier congrès. Donc ils ont tendance déjà à se remettre eux. Et puis à mettre comme candidat ceux qu'ils ont à la bonne. Puisqu'il n'y a pas de. Tout le monde est candidat, puis après chacun vote. Bah, est-ce qu'il n'est pas par exemple nécessaire qu'il y ait une représentation par cellule? Non, pas du tout. C'est pas du tout obligatoire qu'il y ait un membre de chaque cellule au comité de section. Pas du tout. Et tous les membres de la section peuvent venir de la même cellule, par exemple. Ouais, mais bon, c'est quoi ça, c'est le copinage? Non, mais normalement, il y a un vote. Par exemple, toi, après, en tant que délégué de ta cellule, tu vas voter. Tu vas voter pour le comité de section. Une fois que la liste des candidatures est faite, il y a quand même vote. Ouais. Simplement, alors ce que tu peux faire, c'est s'il y a un membre du comité de section qui te convient pas, tu peux barrer son nom. Et après, on décompte. Mais de toute manière, quand le décompte des voix n'a pas d'importance. Ou il peut avoir une importance, parce que, mais à ma foi, le système est un peu vicieux, c'est-à-dire qu'une candidature qui n'a pas été retenue sur la liste doit tout de même être soumise. Et c'est là où, toi, elle doit être quand même soumise. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été retenue, en quelque sorte, c'est pas une candidature conseillée, mais elle est quand même soumise au vote. Alors, en fait, comme toi, tu peux rayer effectivement des noms, et si finalement il y a des gens qui votent pour la candidature qui n'avait pas été retenue, et qu'elle a finalement plus de voix qu'une autre candidature qui avait été proposée, évidemment, il est élu à la place de celui qui avait moins de voix qu'elle. Mais dans les faits, une personne dont on dit voilà, il avait proposé la candidature, mais elle n'a pas été retenue. Il ramasse jamais de voix. Ou même, c'est même encore plus démocratique que ça, puisque finalement, tu peux même voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat. C'est déjà produit, ça? Oui, moi j'ai eu deux voix, par exemple. Mais deux voix de camarades de cellule. Bah, j'ai eu deux voix de camarades de cellule. En fait, et moi j'étais pas candidat, mais je me souviens, il y avait Hervé Bibring qui était là, et je sais plus trop, et ben ils m'ont proposé. Comme membre du comité de section, j'ai eu deux voix, j'étais pas candidat. Tu vois, ça peut arriver, mais j'ai eu deux voix par rapport aux 80 ou 78 voix des autres, donc évidemment, j'ai pas été élu. Ah, oui. Alors que si j'avais eu deux voix, si j'avais eu même une voix, et que j'étais sur la liste sélectionnée, j'étais élu. Ah, ouais, bien sûr. Donc, voilà l'élection, voilà quand se passe l'élection. Alors... Mais bon, U par exemple. Bah, U... Qui est en dernière instance... Il va être élu sur le même procédé. Qui t'en présente quand même. Oui, mais il va être élu selon le même procédé. Il y aura une commission des candidatures au niveau du Congrès qui va proposer une liste... Comme on dit, au parti, on n'est jamais candidat. Comme disait Marchais. Mais c'est les camarades qui décident. Moi, je suis pas candidat. C'est pas moi qui décide. Il y a une commission des candidatures, c'est elle qui propose les candidats. Ouais. Moi, je suis au parti. Il y a une règle en plus qui veut qu'au parti, c'est mal vu d'être candidat. C'est aux camarades de te proposer. En fait, c'est toujours aux camarades de te proposer comme candidat. Tiens, eh ben, on a pensé que tu devais être un bon. C'est un peu les délégués de classe en 6e, quoi. Ouais, quoi que j'ai envie des candidatures, moi dans les délégués de classe, hein. Moi j'étais toujours candidat. Mais donc tu vois, au parti, on n'est pas candidat, on est désigné comme candidat. Par les camarades, on est proposé comme candidat. Il y a des camarades qui demandent d'assumer une fonction parce qu'ils estiment que tu le fais bien. Parce qu'ils reconnaissent. Voilà, ouais. C'est ça. Et pour le secrétariat, ça c'est pareil, on n'est pas candidat. C'est la commission des candidatures qui se réunit et qui propose des candidats. Et qui propose le secrétaire national, il n'y a toujours qu'un seul candidat. Ouais. Il n'y a toujours qu'un seul candidat. Donc forcément, il est toujours élu. S'il n'y a qu'un seul. Oui, il est toujours élu. Ouais. Mais c'est pas lui. C'est la commission des candidatures, démocratiquement élue. Qui a réfléchi, qui a proposé. Et finalement, ce qui laisse penser qu'effectivement, c'est bien les militants de cellules qui ont... Puisque de toute manière, tout ça, à chaque fois, tire sa légitimité des élections de base au départ. Des élections de cellules qui remontent. Mais en fait, dès la section, les cellules ne remontent plus. Dès la section, il n'y a plus que les sections qui remontent. Il y a la fédération qui remonte, et au Congrès, il n'y a que les membres du comité national qui remontent quasiment. Puisque c'est très rare finalement, en tous les cas à Paris, parce que attention, il y a des différences notables dans les différentes fédérations, hein, les partis. Hein. En tous les cas à Paris, il y a un blackout absolu, quoi. Les cellules ne remontent jamais. Hein. Ça arrive qu'elles remontent jusqu'à la section parce que c'est des jeunes que la section prend en main et qu'elle veut promouvoir. Donc il y a quand même des promotions, mais c'est de la cooptation dans ces cas-là. Et en tous les cas, si tu es pas mal avec le comité de section, jamais tu passeras le niveau du congrès de section, quoi. Enfin, c'est le congrès de personnes, mais c'est le congrès sexuel. Ouais, mais enfin, moi, ce qui me pose problème quand même, c'est qu'à ce moment-là, je crois volontiers que ça se passe comme ça. Mais ça veut dire que le secrétaire national, finalement, peut très bien s'opposer aux souhaits de tous les militants tout à fait. Des cellules. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce qui pose problème dans la notion de parti guide. Ah ben, qui pose un sacré problème, parce que finalement, comme je disais, le parti guide, on est venu, il y a le guide, après il y a les guides du parti guide, ouais, et puis après les guides des partis guides, il y a le guide des guides du parti guide, et puis finalement, il n'y a plus qu'un seul type qui décide. Quoi. Ah ouais. Donc c'est complètement idéaliste de ma part, et ça révèle qu'une seule chose, ma méconnaissance, de penser finalement que le secrétaire national doit prendre ses responsabilités parce que finalement il est légitime qu'il les prenne puisqu'on a voté pour lui. Le problème c'est... Autrement dit, quelquefois, il sort de nulle part. U par exemple, il sort de nulle part. U, il était dans les coulisses, il était dans les coulisses de la direction du parti, et on l'a sorti, on ne sait où, on ne sait qui, suite à des luttes de pouvoir internes et autres, mais à aucun moment, il n'est élu par les militants. Et moi, en tant que militant, on m'a jamais demandé mon avis, savoir si j'étais d'accord pour que ce soit Robert Rue. Oui, tout à fait, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas, je veux dire. Ce qui est bien, ce qui est formidable, c'est quand même qu'on a élu un secrétaire qu'on ne connaissait pas. Mais c'est quand même le congrès, qui l'a élu. Alors effectivement, comme le congrès est quand même l'émanation de tout parti, bon, formellement, c'est formellement, ça peut se défendre, le système du parti. Tu sais, moi, je crois qu'il peut se défendre, mais dans les faits, il est tellement... ça pose trop de problèmes. Il est beaucoup trop idéaliste, le système du parti. Non, en quelque sorte, mais finalement, il n'est pas... Il est beaucoup trop idéaliste, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup trop confiance aux communistes, c'est-à-dire que ils sont tellement dévoués à leur cause qu'on peut pas supposer un seul moment, non seulement que l'individu puisse vouloir accaparer une parcelle de pouvoir et jouer d'un quelconque et procéder d'un quelconque despotisme, ou bien que Mais effectivement, dans ce que tu dis, enfin, en tout cas dans la manière dont tu présentes les élections, même de manière un peu risible, au sens où effectivement les gens de cellule sont bloqués très vite, hein. On sent quand même qu'il y a une sorte d'effort démocratique. Ah ben, à mon instant, c'est moi ce que je souvent dis, depuis que je suis entré au parti, on sent que le parti est le parti le plus démocratique qui est. Il n'y a pas parti politique en France qui est plus démocratique que le Parti communiste. Ah, il y a un autre truc moi qui me posait problème dans le premier texte que j'ai lu. Hein. C'était, il parle des mouvements sociaux et notamment celui de décembre. Et alors il est écrit, ce mouvement aura marqué par son importance, par la sympathie qu'il a rencontrée dans l'opinion. Il a également révélé l'ampleur du besoin d'une réponse politique à apporter aux problèmes posés au pays. Bon. Toujours avec l'idée de dépassement du capitalisme, etc. Et finalement, moi j'ai souligné le terme politique parce que je ne comprends pas bien. Quelle serait cette réponse politique? Enfin, comment elle ne peut être que politique? Pourquoi la réponse, elle est plus politique qu'économique? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Est-ce que c'est effectivement lié à une idée de programme, de prise en compte, de revendications du type travailler 35 heures, augmentation du SMIC ou je ne sais pas quoi, ou à défense des services publics, ou je sais pas quoi, mais il me semble que écrire uniquement, il a également révélé l'ampleur du besoin d'une réponse politique apportée aux problèmes posés au pays. C'est un peu léger, quoi. Enfin, c'est un peu léger. Encore une fois, ça me semble léger parce que précédemment, ils ont laissé penser qu'il pouvait être une alternative à la droite, sans rupture du tout avec le monde capitaliste. Donc sans remettre en cause l'idée qu'effectivement on ne peut pas mener une politique réellement communiste sans changer les bases structurelles de la société, quoi, pour le dire rapidement. Et là, ils continuent avec leur réponse politique. Alors c'est quoi ces réponses politiques? Ben, c'est quoi ces réponses politiques? Enfin, le terme est gentil, mais finalement pas très ouvert et pas très intéressant, quoi. Non? Ah oui, t'as raison. Ouais, on sait pas trop ce que c'est que cette réponse politique. Bah oui, tout en plus qu'on est quand même en ce moment confronté à une crise du politique. Est-ce que la réponse politique est suffisante? Et est-ce que c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait, quand on vous demandait savoir si les ministres communistes devaient participer à un gouvernement, à un gouvernement du nom de la gauche, pour faire quoi? Moi, c'est toujours la même question. Actuellement, est-ce que au niveau politique, on a suffisamment de puissance et de marge de manœuvre pour pouvoir y faire quoi que ce soit? Effectivement, moi je crois que la réponse politique, si on dit comme ça, c'est beaucoup trop limité. Même si toute action sociale et économique, de toute manière, on se doit traduire d'une façon politique, le problème c'est que l'action politique n'épuise pas et n'englobe pas justement l'action sociale ou économique. Mmh. Oui, mmh. Et puis il y a quand même un autre problème. C'est qu'il cherche à apporter une réponse politique aux problèmes posés au pays, sans finalement tenir compte des acteurs qui sont face à ces problèmes. Disons qu'on a l'impression que les individus ils ont disparu, quoi. Enfin, moi quand je lis aux problèmes posés au pays, c'est quoi les problèmes posés au pays? Tu as tout à fait raison. Et encore une fois, là, on a glissé, mais c'est parce que c'est la continuation de ce que tu disais, la critique, où on pense en termes d'alternative politique, et dès qu'on pense en termes d'alternative politique, et certainement aussi de ce que tu disais, là, sur la puissance du politique, on se retrouve confronté à des problèmes qui sont très limités, et qui, d'un seul coup, on est passé des problèmes des salariés, des ouvriers, des chômeurs, enfin, justement, on ne sait pas comment les appeler, non plus aux problèmes, à leurs problèmes, mais aux problèmes de la France. C'est ça. Au problème de la France, et on retourne en pleine mystification bourgeoise. Et donc, en plus, on voit bien la critique implicite, par exemple, de l'Europe. Très bien, critiquons la France dans son contexte européen, etc., avec la politique de Maastricht et je ne sais quoi. Mais néanmoins, il n'y a pas de réponse politique possible à ces problèmes posés au pays, mais il y aurait a priori une réponse politique posée aux problèmes des Français, et de certains Français, parce que tous, à mon avis, n'est-ce qu'on pas les mêmes réponses. Ouais, ils n'ont pas les mêmes réponses politiques et n'ont pas les mêmes problèmes, ouais, c'est sûr. Mais qu'il faut parler d'économie si on parle des problèmes posés au pays. Plus profondément, de toute manière, plus profondément, c'est parce que c'est la conséquence justement de cette orientation, soi-disant, une révolution politique, ou comme quoi le mouvement social attendrait une réponse politique, pour moi, on est étroitement dans le cadre d'une gestion du capitalisme, avec ses mots d'ordre et ses problèmes qui sont effectivement celui d'un pays. Mais on est en deçà de la pensée communiste qui fait que justement, il n'y a pas d'intérêt universel d'un pays. Il n'y a pas un intérêt unique d'un pays, ou plutôt le pays, répondre aux problèmes du pays, c'est toujours répondre en fait aux problèmes de la bourgeoisie de ce pays. Oui. toute la droite, mais y compris toute la politique bourgeoise, dit qu'au fond, c'est pour le bien de la France. Oui, mais le bien de la France, c'est jamais le bien des travailleurs, quoi. Ce qui est problématique, c'est qu'effectivement, il y a une reprise d'un même langage. Mais à partir du moment où effectivement, de toute manière, le parti, bien qu'il l'annonce au début, qu'il dit qu'il faut viser un déplacement du capitalisme, à partir du moment où on ramène immédiatement, qu'on n'a pas de stratégie finalement pour passer au capitalisme et qu'on dit qu'il faut proposer une alternative à la droite, on a changé. C'est-à-dire qu'à un moment, on est passé d'un renversement et d'un déplacement de la société bourgeoise à une gestion de la société bourgeoise. Mmh. Inévitablement. La phrase étant, effectivement, et partant de tout cela, il a été avancé l'objectif du dépassement du capitalisme pour ouvrir la voie à un nouvel âge du progrès social et humain, de la démocratie. Mais l'alternative à la droite, ce n'est pas un dépassement du capitalisme, c'est simplement offrir une politique alternative, comme il est dit plus bas, enfin comme il est dit là, une alternative à la droite dans le cadre du capitalisme. Et d'où après, le problème, c'est qu'au lieu de résoudre les problèmes de la classe ouvrière, disons, pour... entendu dans un sens très large, parce qu'on n'a pas d'autres mots à mettre à la place, on passe au problème de la France. Oui. Et c'est enfin, au problème du pays. Et aujourd'hui, la question est de plus en plus nettement posée d'une traduction politique à la colère, à la protestation qui s'affirme, d'un débouché politique à la volonté de changement qui grandit et se cherche, en bref, d'une autre politique et d'une alternative au pouvoir de la droite. Oui, c'est ça. Mais c'est pouvoir. Tout ça est tout à fait cohérent, le glissement. En fait, on affirme au départ le dépassement du capitalisme pour assurer ceux qui tiennent. Et puis après, on passe aux choses sérieuses. Les choses sérieuses étant, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller au gouvernement si la gauche l'emporte ou non? Oui. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'ils m'expliquent la différence qu'il y aurait entre une gauche et comment ils peuvent concilier ça avec ce qu'ils disaient à un moment et qu'on avait déjà relevé sur la faillite du modèle social-démocrate. Bah, en gros, un gouvernement d'union de la gauche, si je comprends bien ce que ça veut dire, c'est qu'un gouvernement d'union de la gauche où les socialistes sont minoritaires, c'est forcément mauvais. Sont majoritaires, c'est mauvais. Il faudrait un union de la gauche où comme ils sont majoritaires. Oui. Non, je suis méchant, mais... Et là, dans ces cas-là, on serait plus dans l'échec des modèles sociaux-démocrates, mais on serait dans une expérience du socialisme à la française. C'est comme ça qu'on pourrait comprendre le texte, hein, mais c'est peut-être ça ce que ça veut, ce qu'il veut dire, mais en fait, il y a quand même des richesses dedans, enfin, dans la volonté précisément de modifier le fonctionnement du parti. C'est peut-être sans doute ce qui est le plus intéressant. Il faut voir ce qu'il propose, mais à mon sens, c'est ce qui est le plus intéressant dans la modification du fonctionnement du parti. Je dirais que là, on est dans l'ambiguïté absolue parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait plus ce qu'on veut faire. Le parti ne sait plus ce qu'il veut faire. Il cherche son identité, ça se sent. Est-ce qu'il doit être un parti d'alternative à gauche? Est-ce qu'il doit être dépasser le capitalisme? Surtout que dans la stratégie qui est établie depuis 1978, précisément, les deux doivent être conciliés, puisqu'on doit être à la fois un parti de gouvernement et un parti révolutionnaire, puisque la voie révolutionnaire qu'on s'est choisie, c'est par la voie démocratique. Par une transition démocratique, donc à un moment, une gestion d'État bourgeois. Enfin, de la société cela dit, moi je ne suis pas non plus pour blâmer les efforts qui constituent et qui contribuent à la volonté de changement, quoi. C'est vrai que le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment où le parti veut aller et bien souvent, il laisse quand même l'impression que par des petits détails, des petits éléments, que finalement le parti n'a plus tellement de spécificité. En tout cas, dans son organisation, ou dans ce qui se laisse voir dans les médias, par exemple, d'un parti socialiste. Bon, mis à part que qu'il n'y a pas de différence notable entre ce que peut dire telle ou telle personne. Donc il n'y a pas de contradiction comme il peut y avoir entre Jospin et Fabius ou Chevènement ou je ne sais pas qui. Bon, mais... Chevènement n'est plus au PS. Ouais, non, il n'est plus au PS. Il est au Mouvement des Citoyens. Composé de Chevènement et Jean-Pierre. Non, mais c'est ce que pour moi l'analyse synthétique un peu de tout ça, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il n'y a plus de stratégie. On n'est pas capable d'avoir une stratégie. On ne sait plus quelle stratégie adopter pour atteindre des buts qu'on veut. Et donc dans la mesure où on n'a pas de stratégie claire, on ne sait pas à qui on parle. Et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent tout ménager. Ménager toutes les possibilités. On ne sait plus. La stratégie, on l'a. C'est la transition démocratique vers le socialisme. Qui était imposée au parti en vue de faire accepter le programme commun. Et bien voilà. Mais maintenant, effectivement, de toute façon, c'est ce qu'il disait un peu plus loin dans un paragraphe qui s'appelle Nous voulons passionnément l'union. Mmh. Et il commence Nous voulons passionnément l'union. L'union de toutes les forces de gauche, de progrès, écologistes. L'union de toutes celles et de tous ceux dont le rassemblement est nécessaire pour battre la droite et faire une politique réellement différente de celle du passé. Construire l'union nouvelle nécessaire au changement suppose évidemment pour les communistes créativité et dynamisme. Cela suppose aussi un parti plus fort du nombre de ses adhérents, de leurs engagements résolus dans sa mutation, c'est-à-dire dans son choix de l'ouverture, dans son effort pour être utile à notre peuple, dans sa volonté d'être attrayant pour que celles et ceux qui souhaitent le changement y reconnaissent leur aspiration. Un parti communiste à qui celles et ceux qui auront fait l'expérience de son utilité donneront une audience plus grande. C'est la langue de bois absolue, ça. En fait, quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on nous dit « soyez pas trop communiste ». Soyez pas trop communiste avec les gens que vous allez rencontrer ou dans les mouvements sociaux auxquels vous pouvez participer, etc. Parce qu'il ne s'agit quand même pas d'effrayer tout le monde, quoi. Donc bon, soyez sympa, soyez cool, soyez à l'écoute. Et moi j'ai l'impression que c'est un machin marketing. Le parti. Le parti d'ouverture. Ce qui est marrant, c'est quand on traitait les Mao de Mao Spontex. Ouais. Dans les années 70, enfin. Il y a des Mao Spontex qui sont à l'écoute des masses, justement. Ouais. Bah, on est en train de se transformer en parti Spontex, là, en parti éponge. En gros, on nous dit, mais ça fait quelques temps, ça dure. C'était déjà comme ça il y a quelques années. En gros, écoutez les gens. Écoutez les gens, oui. Soyez ouverts, écoutez les gens. Pas écouter des gens, bon, les gens ne veulent pas rester avant qu'on les écoute. Ils veulent du part qu'on discute avec eux, mais donc c'est-à-dire qu'à un moment aussi on a des choses à dire. Et surtout qu'on a effectivement une stratégie, un projet qui tienne debout, quoi. Et qui passe pas des principes des patrons du capitalisme, à la réalité, on va faire un gouvernement du nom de la gauche, même si l'union se fait à la base, quoi, parce que fondamentalement ça ne change pas grand chose. Mais aussi ça change des choses, mais ça ne change pas fondamentalement le décalage par rapport aux principes même. C'est-à-dire que dépasser le capitalisme, c'est pas faire un gouvernement du nom de la gauche. Bon, mais quelles sont finalement les aspirations des communistes aujourd'hui? Alors, à mon avis, elles sont assez diverses. Parce que finalement, c'est vrai que qu'on parle de changement et qu'il faut absolument participer à la mutation du parti. On a un parti pas stalinien, plus démocratique, etc. Bon, ce qui est évidemment louable. Je sais pas, je t'imagine. Mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, cette volonté de changement, elle émane de qui? Tu vois, c'est... On suit quel dictat, quoi? Est-ce qu'on suit le dictat des médias qui vient nous dire bon, le parti, vous répétez toujours la même chose depuis 35 ans, depuis la création du parti? Est-ce que... On est obligé de le faire à cause de la fameuse faillite du système soviétique, etc. Moi, je veux bien qu'il y ait une remise en cause, et elle est nécessaire, cette remise en cause. Mais la remise en cause, encore une fois, est-ce qu'elle n'est pas plus nécessaire au sein de l'organe de direction plutôt que dans la base? Je veux dire, est-ce que le communiste basique, quoi, type, il a vraiment envie d'un changement de ce type? Je sais pas. Non, on peut supposer qu'il y a parmi les communistes de base, c'est pas mal de gens qui aspirent au changement, puisqu'il y a plus il y a quand même pas mal de gens qui se battent. S'ils se barrent, s'ils quittent le parti, c'est que sans doute ils ne trouvent plus dans le parti ce qu'ils y cherchaient. Maintenant... Non, mais il ne faut pas oublier que ces gens, ils étaient aussi communistes aussi quand le parti était le plus stalinien possible. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs types de départ. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Le problème maintenant, c'est d'analyser... les causes du départ, c'est-à-dire au fond en quoi ces gens trouvent plus dans le parti ce qu'ils attendaient. Ça peut être effectivement pour des raisons très variables. Il y en a qui se barrent parce qu'ils trouvent comme bras là, que décidément le parti ne change pas. Ouais, le maire de Montreuil. Ouais, que le parti ne change pas, que ça c'est des mots, c'est du vent. Et puis il y a ceux qui trouvent qu'ils changent trop et que ça devient n'importe quoi. Ah ouais, je crois que fondamentalement, si moi je suis assez d'accord, mais ça fait bien longtemps que je suis d'accord pour dire qu'il faut des sacrés changements au parti, mais non pas sous la pression des médias, non pas parce qu'il faudrait qu'on change pour dans le sens d'une opération marketing pour attirer, mais tout simplement parce que ça fait des années qu'on est en échec, et pas que le parti, mais que le mouvement ouvrier entier dans sa totalité et dans le monde. Entier est en échec. Donc ça veut dire que profondément on se plante, et que dans ce plantage est en cause aussi le fonctionnement du parti. Oui, mais ça ce serait une direction au changement qui serait assez idéale en quelque sorte. Ok, on constate qu'on est en train de subir un échec. Que cet échec, il est visible dans tous les mouvements ouvriers et qu'il n'est pas inhérent au Parti communiste français, ça semblerait effectivement important. Mmh. D'un autre côté, quand moi je vois « soyez ouverts, soyez à l'écoute, parlez, etc. etc. », moi j'ai plus l'impression que c'est sur des pressions... je vais même pas dire électoraliste, parce que finalement celles-ci elles sont peut-être louables. Mmh. Si ça peut donner effectivement plus de pouvoir, etc., conquérir des villes, des mairies, très bien, ou des sièges de députés. Bon. Mais que ça fait un petit peu, je sais pas, réponse à Anne Sinclair. Oh, tout à fait. Ah ouais, non mais. T'as l'impression que la bourgeoisie a très bien compris le problème du parti et que finalement il suffit de suivre les recommandations de la bourgeoisie et de tous les crédits du parti pour trouver pour comprendre pourquoi le parti ne fonctionne pas. Effectivement, je crois pas que oui, l'ouverture, tout ça, c'est des thèmes qui sont si vagues, on s'ouvre. Ça veut rien dire, on s'ouvre. Quoi. En gros, quoi, c'est dire quoi? Qu'on a le droit, oui, comme. Je sais pas, moi je comprends pas ce que ça veut dire ouverture. Non, ça veut si, je vois en même temps ce que ça veut dire. Ça veut dire que. Mais là encore une fois, ça s'adresse moins aux militants qu'à ceux qui sont qu'aux dirigeants. Et surtout à ceux qui font qui travaillent ailleurs que dans le parti. Dans les associations, mais aussi dans les mairies. Par exemple, ça veut dire que par exemple, les mairies communistes sont invitées cordialement à subventionner des associations qui soient. Même des associations qui ne soient pas directement dirigées par les communistes. Que s'il y a une troupe de théâtre municipale qui demande des subventions, on n'est pas obligé d'y imposer le fils du secrétaire de section à la tête pour en échange des subventions, etc. C'est un peu l'horreur, quoi. Oui, mais à ce moment-là... C'est ce qui se passe aussi, hein. Le problème, c'est toujours le même. À qui ça s'adresse? C'est le problème, à qui ça s'adresse? Ben, justement, c'est le problème, c'est qu'on veut essayer de résoudre les problèmes sans les poser. Parce que les poser, ça serait quand même pas très... En fait, c'est bien ça. Hein. On veut résoudre les problèmes sans trop les évoquer. Le problème, c'est que c'est si flou qu'on peut tous se reconnaître. Oui, mais c'est... À mon avis, oui. Oui, mais le problème, c'est que si moi on me dit de m'ouvrir, d'abord, et puis je vois mal à qui je vais m'ouvrir. Tu peux t'ouvrir à moi, mon amour, confie-toi. Oui. Non, mais c'est ça l'ouverture en fait. Le problème il est là. Enfin, on demande un peu d'ouverture d'esprit et ça on demande. Ouais, on n'est pas complètement borné, mais par exemple l'ouverture, ça veut dire que dès qu'il y a un socialiste qui parle, par exemple si tu participes à une association, dès qu'il y a un socialiste qui parle, tu n'es pas obligé dans ta tête de dire on voit encore un gros sauce, quoi. Oh, ouais, bon, c'est ça, allez, ben, on sait ce que tu vas dire. Oh, on n'est déjà pas comme ça. Et après, quand tu rapportes au camarade, oh putain, elle a fait que je me coltine le socialiste, et puis alors l'écolo, putain, j'ai dit, moi je vais plus, hein, envoyer quelqu'un d'autre, moi je suis plus cette association, moi j'en peux plus. Hein. Et dire, faut se taper tous les guignols, cette association d'écolo, et l'autre qui se peignait parce qu'il avait, on va lui couper son arbre devant sa fenêtre. Ils n'ont pas de conscience politique, c'est des petits bourgeois, c'est des petits bourgeois qui n'ont comme souci que leur petit confort, etc. Si tu veux, quand on parle d'ouverture, ça va être aussi dire écoutez plus les gens et peut-être catégoriser un peu moins vite. Et voyez ce qu'on peut en tirer, essayer de faire progresser les choses avec esprit d'ouverture, plutôt qu'à un moment. Rapidement vous bloquer et vous braquer contre ces gens qui a priori semblent très loin de nous. Ça veut dire ça aussi l'ouverture, hein. Tu veux dire soyez pas gauchiste? En gros soyez pas gauchiste. Soyez pas gauchiste. En gros soyez pas gauchiste, en gros soyez pas sectaire, en gros ne pensez pas détenir la vérité absolue. Ouais, c'est vrai qu'en ce sens-là, c'est peut-être pas mal de nous rappeler quelques manières d'être moins outrancières et moins spectaculaires. C'est ça qu'il faut lire quand on dit il faut être ouvert et à l'écoute. C'est ça. C'est dommage parce qu'on est un peu éloigné, mais si tu es parti au rayon de cellules et impliqué à la vie de quartier et tout, tu comprendrais assez rapidement de quoi je veux parler. Hein. Mais. C'est peut-être aussi ne pas se tromper d'ennemi. Ça pas de soucis, ne vous trompez pas d'ennemis. Ouais. Que l'ennemi héréditaire, c'est pas forcément socialiste ou l'écolo qui travaille dans la sauce. C'est aussi ça, par exemple. Tu vois, l'esprit d'ouverture aussi, ça s'adresse aussi à nos camarades du genre Hervé, qui de toute manière a une grande haine des socialistes. Haine peut-être encore plus farouche envers les socialistes qu'envers des types de droits. À droite, tu vois. L'ouverture, c'est un moment, c'est aussi demander, c'est aussi dire, et faites preuve d'un peu de réalisme en politique. Réalisme, finalement aussi, peut-être faites preuve un peu d'hypocrisie. Faites preuve d'un peu, mettez à un moment, voyez ce qu'on peut faire avec ces personnes, même si on n'est pas entièrement d'accord avec eux. Mais cette hypocrisie, je dirais, quand je dis le mot hypocrisie, c'est pas tout à fait juste. On se peut citer, soyez un peu tacticien. Soyez un peu tacticien, et surtout, faites un peu votre propre autocritique, quoi. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de faire autocritique, peut-être oubliez-vous un petit peu, quoi. Oubliez-vous un petit peu, ne mettez pas en avant que vous êtes communiste, revendiquez votre identité communiste, mais revendiquez-la d'une façon ouverte, non pas sectaire. Montrez au fond justement la puissance de votre communisme, de votre pensée communiste. Mais le problème, c'est que pour le faire, ça demande une certaine maîtrise du communisme. C'est un petit peu ça le problème, parce que rapidement on tombe dans quelques archétypes de la pensée communiste, parce qu'on est incapable d'en savoir, enfin, parce qu'on ne fait pas non plus l'effort. Je crois que pour beaucoup c'est comme ne pas faire l'effort d'une éducation qui dépasserait t'es un petit bourgeois, t'as vu comment tu vis, regarde ta meuf, elle met des robes qu'elle paie cher. T'es bourré de pognon, ferme ta gueule, quoi. Absolument. Ou t'as fait les mauvais choix. Absolument, et puis on arrive à aider. De toute manière, t'appartiens pas à la classe ouvrière. Puis t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler, et de toute manière, quand tu t'exprimes, c'est la bourgeoisie qui parle par des mots, tu comprends rien de ce que tu dis. Ah. Voilà. Ou être ouvert, mais alors dans ces cas-là, c'est ce que ça veut dire. Et il faut le dire quand on est secrétaire national du parti, il faut le dire très gentiment aux gens. Il ne s'agit pas de leur dire, bon, écoutez, moi j'en ai vraiment marre avec des gros cons de parti, faites l'effort de vous informer, apprenez, documentez-vous, soyez des militants capables d'analyser, de penser, d'avoir des arguments, et ne sortez pas le bâton très rapidement parce que vous n'avez rien à dire que trois lieux communs qui ne mènent nulle part, quoi. Non mais c'est vrai que ça pose un problème, parce que à chaque fois que j'ai discuté avec des communistes, bon, je parle pas de vous avant d'adhérer, bon, il y a encore moins de toi que les autres, mais c'est vrai que finalement les arguments étaient simples, que de toute façon si tu te rendais pas à ce type d'argument, c'est que effectivement, tu faisais partie de la bourgeoisie, que tout ça était de toute façon incompréhensible. Et quand tu émettais encore la possibilité, finalement, c'était peut-être pas ça, ou qu'il y avait peut-être ce pôle à prendre en compte, ou je sais pas quoi, finalement, de taper dessus, quoi. Enfin, de taper dessus, hein. Il n'y avait effectivement jamais quelqu'un qui prenait le temps, ne serait-ce que le temps, d'essayer de te démontrer que tu n'étais pas forcément dans le vrai, et que les choses étaient peut-être un peu plus difficiles, ou complexes, ou importantes, ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est en sens... Non, c'est vrai qu'en sens-là, c'est plutôt intéressant. Enfin, c'est nécessaire, quoi. Ouais, mais... Le problème, c'est que tel que c'est avancé par le dans le rapport, c'est tellement ambigu. C'est pas dit. Si c'est ça, ok. Le problème, c'est que ça peut être tout à fait autre chose aussi. C'est-à-dire que sous couvert d'ouverture, certains diront que sous plein d'ouverture, on donne les moyens de la compromission. Alors justement, après, il y a un paragraphe sur l'identité communiste. Hein. C'est pas pour rien, on va m'éviter ça. Je lis ou pas un peu? Ouais, je t'en prie, t'es pas un peu fatigué, toi? Oh, on peut arrêter. Il est 11h20 déjà. Ah oui, bon, arrête. Vers ça, on a le temps, tu sais, un peu, quand même. D'accord. On parle un petit peu tous les soirs. Mais moi, il faudrait que je lis aussi, ça. Ok. Moi, j'ai pas tout lu, hein. Je suis pas très en forme. T'as mal au ventre? Non, mais j'ai l'esprit un peu embrouillé. D'accord. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Oh. Et toi aussi, mon chat. Bon, je vais arrêter ce magnétophone.